de Ulysse Travel. Bonjour, je suis Alexis, bienvenue sur Radio Quartier Libre à Isaac de l'Étoile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une de mes passions. Je suis dans l'association Les Compagnons des Lourdines depuis 4 ans. Elle se situe à Saint-Georges-les-Péargeaux, dans la Vienne. J'ai connu les tailleurs de pierre de Saint-Georges lors d'une journée d'association et j'ai voulu essayer. J'apprends à tailler la pierre avec une massette et des burins. Je sculpte des visages et des animaux. Je prends plaisir à travailler parce qu'il y a une bonne ambiance et que j'aime ce que je fais. Pour joindre les Compagnons des Lourdines, 05 49 51 67 01 ou 06 33 62 28 02. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour une nouvelle émission.